et la Loterie Nationale. Vivacité, il est 11h. C'est l'heure de s'informer avec vous, Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est moi qui ai fait partir ce train, l'aveu d'un des chefs de gare italiens sur cette collision entre deux trains dans les Pouilles mardi. Il reconnaît son erreur. Dans la presse italienne, il a donné le feu vert au train de la collision. Selon lui, il y avait du retard et de la confusion. Mais le chef de gare ajoute « Ce n'est pas seulement ma faute, je suis aussi une victime ». Selon la presse, la justice a aussi dans le collimateur le chef de la gare voisine. Lui aussi aurait dû se rendre compte que quelque chose clochait. Cet accident a causé 23 morts et une cinquantaine de blessés. Le meurtrier de Wendy arrêté à Saint-Martin dans les Antilles françaises. Wendy, cette jeune femme, cette jeune Belge assassinée ce week-end alors qu'elle était en vacances là-bas. L'homme a reconnu l'avoir frappée et agressée sexuellement. Vous êtes déjà plus de 2,5 millions à être passés par TaxonWeb cette année pour votre déclaration fiscale. Et même si les Belges ont 2,5 mois pour la remplir, beaucoup se sont rués sur le site à la dernière minute. Le site a connu un pic mardi et hier, plus de 200 000 déclarations en 2 jours. Des bouchons, encore des bouchons. Il n'y a jamais eu autant d'embouteillages sur nos routes que dans les 6 derniers mois. C'est le constat du dernier baromètre de Touring Mobilis. 708 heures de ralentissement, c'est 200 heures de plus que l'an dernier. Des ralentissements qui ne sont pas provoqués par des accidents ou une mauvaise météo. Les causes, eh bien, c'est l'augmentation du nombre de trajets sur nos routes. Vous n'aurez bientôt plus besoin de sortir votre portefeuille pour payer vos achats dans les magasins. Votre smartphone suffira. D'ici quelques semaines, ce sera possible dans la plupart des commerces belges, même les plus petits. 130 magasins le proposent déjà, dont certains Delhaize et Creffel. Il suffit d'ouvrir l'application Banque Contact sur son téléphone, scanner le code QR via le terminal du magasin et puis on valide tout simplement via son code PIN. Les mollets des cyclistes du Tour de France seront un peu épargnés aujourd'hui, 6 km de moins pour cette 12e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux. Ils n'atteindront pas ce mythique sommet car la météo prévoit des rafales de vent violent jusqu'à 100 km/h. Et pour le maillot jaune, eh bien c'est toujours le Britannique Chris Froome qui le porte. La météo, toujours un temps frais et variable aujourd'hui, avec un peu de pluie et parfois même quelques orages localement. Cet après-midi, le temps sera plus sec et les températures seront comprises entre 14 et 20 degrés. RTBF Mobile Info, il y a toujours des problèmes sur le 40, Jean-Marc Strel. Oui, avec ce chantier qui pose manifestement des petits soucis dans les deux sens et surtout vers Ostende, car ça coince toujours peu avant Herpemer jusqu'à Zwenard. Ça représente plus ou moins 14 km et 30 minutes perdues. Des répercussions également sur la N9 venant de Bruxelles entre Wetteren et Mail sur 3 km où vous perdez 25 minutes. C'est comme ça depuis ce matin. Généralement, ça dure toute la journée, donc soyez prévoyants si vous partez à la mer. Et pour le retour vers Bruxelles, il y a du monde aussi entre Zwenard et Wetteren. Un accident s'est produit sur le... Vous avez pris un arbre à forêt ? Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Un accident donc s'est produit sur le 313 en verse Liège, sans arbre, au kilomètre 3.6 à hauteur de Wohlgem. Une bande est neutralisée, c'est la gauche en direction de Liège. Accident sur le ring de Bruxelles, également l'extérieur à hauteur d'Anderlecht. La bande de droite est neutralisée, il y a des fils vers Hall. En ce qui concerne la circulation intérieure, ça coince entre Bercé des Forêts dans la zone des travaux vers Grand-Bigard, entre Wezembeek, Oppem et Terveren vers Waterloo. Et pour terminer, un accident s'est produit à Bruxelles, chaussée de Mons, ce qui engendre de gros embarras de circulation en direction de Hall. Vous avez pris un arbre à forêt ? Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Et... Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On retrouve tout de suite Stéphane Piedbeuf pour un air de vacances. Merci beaucoup Yasmina et rendez-vous tout à l'heure à midi pour le prochain rendez-vous avec l'information. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et des jeunes cuisines à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Comment ça va? C'est jeudi aujourd'hui et tout va bien. Vous en êtes aperçu. C'est Lucky Luke qui pilote l'émission aujourd'hui, notre réalisateur Lucky Luke. Et moi, je vais faire Jolly Jumper ou je sais pas, en temps peut-être. Quoi qu'il en soit, on va se mettre les oreilles en vacances avec toute la musique que vous aimez. Avec les tubes de l'été, ça va être terrible aujourd'hui. Dans un instant, il y aura Desireless, mais un petit peu plus tard, nous allons tous être numéro 1. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans son île, on est fou comme on... Et c'est dans cette ambiance vacances que nous accueillerons Denis Collard pour la météo des plages et de vos vacances que vous pouvez bien sûr à tout moment demander sur vivacité.be ou encore par SMS au 3063. Aurore Salsano nous parlera des cocktails. Bref, il n'y a que de l'été dans cette émission. Il n'y a pas une miette d'hiver. Et même dans la musique, pour bien commencer et prendre des vitamines, voici Chris Cab. Un air de vacances sur Vivacité. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more, kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. Bing, c'était Chris Cab. Je vois Émilie de Kegel, elle vient d'arriver juste à l'instant parce qu'elle sera avec vous dans l'été du bon côté. Il faudra quand même qu'elle m'explique tout à l'heure parce qu'elle viendra nous parler de l'été du bon côté. Comment elle fait pour boire deux cafés à la fois. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant des coulisses de cette émission. Dans un instant, le premier tube de l'été avec un look androgyne, ce sera Desireless et Voyage Voyage. On en parle dans quelques secondes, mais sachez aussi que les People seront en vacances dans l'émission. Et la première que nous contacterons, ce sera BJ Scott. Cet été, avec les forfaits Voomobile, profitez d'un smartphone comme le Samsung Galaxy J5 pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro, c'est-à-dire l'équivalent de du petit parasol en papier dans votre Morito. Ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Voo ou sur voomobile.be. Il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible dès 6 euros par mois. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On prend le tube de crème solaire et on presse bien fort avec les doigts. Et on étale de haut en bas. Et 1 et 2, on fait des ronds. Et 3 et 4, allez, on en met bien partout. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Besoin de stores décoratifs, protection solaire ou encore teinture et papier peint? Allez chez Déco et Nuances à Herve, spécialiste en aménagement et décoration d'intérieur. Déco et Nuances, Outrecours 118 à Herve Bâtisse. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Est-ce que vous êtes chauds ce soir? Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Essentiel by Mobipin. Les meilleurs soldes en mobilier contemporain. Exclusif, unique, authentique. Découvrez les tendances les plus chics. Essentiel, route du Condro à Neufré, ouvert aussi le dimanche dès 14h. Essentiel, votre créateur d'ambiance. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. Voyage, voyage, Désirless, premier tube de l'été pour aujourd'hui. Et c'est une chanson qui, à l'origine, avait été écrite pour Michel Delpech, figurez-vous, avant d'atterrir chez cette chanteuse androgyne à la coupe de cheveux exubérante. Le morceau a connu un succès phénoménal, bien au-delà des pays francophones. Il s'est classé numéro 1 en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Russie, en Espagne, en Grèce, en Israël, au Liban, en Norvège, en Thaïlande, en ex-Yougoslavie, chez nous en Belgique, mais paradoxalement, seulement deuxième en France. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays, même si le titre sera indéniablement le tube de l'été 1986. Voyage.

Et voici le rendez-vous que vous attendez tous. Denis Collard est de retour à l'approche du week-end. Denis, je ne veux pas vous mettre la pression, quoique une petite bière à l'heure de l'apéro, ça passe toujours assez bien. Cependant, la pression, la haute pression, celle du baromètre, sera enfin de retour pour ce week-end à la mer, n'est-ce pas? Oui, et vous connaissez le dicton, quand il y a une haute pression, on peut boire une bonne pression, mais bien sûr, comme vous le savez, toujours avec modération. En attendant, eh bien, aujourd'hui, le littoral sera un petit peu privilégié, une fois n'est pas coutume. Ça nous fera du bien avec aujourd'hui des éclaircies qui vont s'élargir cet après-midi alors que le sud du pays connaîtra encore des averses, voire un coup de tonnerre. Donc à la mer aujourd'hui, un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest. Il faudra se mettre à l'abri de celui-ci. Sinon, on attend 18 degrés sur l'ensemble de nos plages. La température de l'eau de mer, elle, est à 17 degrés. Mais s'il y a bien un endroit aujourd'hui où ce sera plus agréable qu'ailleurs, ce sera sur notre littoral. Hier, nous discutions Chihuahua avec Marie-Claude dans l'émission. Elle va se rendre avec Gucci en Espagne à Segovia. C'est la région de Castille et Léon. Le Chihuahua aurait-il besoin de son pull, Denis? Non, parce que, comme le dit le dicton, tu ne mettras pas de pull à ton chihuahua en allant à Segovia. C'est un proverbe qui est bien sûr tenace dans cette région. Les conditions seront très très bonnes pour toute la petite famille, à deux ou à quatre pattes, puisque eh bien, dès vendredi, on aura 31 degrés, 34 à 35 même, pour le week-end, une petite poussée à 37 lundi, et puis on reste entre 34 et 36 degrés pour la semaine prochaine, et pas l'ombre d'une goutte de pluie. Donc par contre, n'oubliez pas de vous désaltérer, et de désaltérer le petit monstre à quatre pattes. Il s'appelle Gucci. Merci beaucoup Denis, Denis Collard, que l'on retrouvera tout à l'heure. Si vous souhaitez lui demander la météo de vos vacances à vous, et bien c'est par SMS que ça se passe pour un demi-euro couché. Le message 3063, vous pouvez vous rendre sur, bah dites donc, sur la page Un air de vacances sur vivacité.be. Bon, je vais aller nourrir le chien et je reviens juste après Cocoon. C'était Cocoon sur Vivacité. Il est 11h26, c'est l'heure des People en vacances. Et en direct depuis le dentiste, oui, depuis le dentiste, nous accueillons BJ Scott. Bonjour BJ. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors nous sommes avant le rendez-vous ou juste après ? Juste avant, petit entretien, rien de grave. Rien de grave, pas de caries, pas de tout ça, non ? Ouh là là. Ça sent mauvais, hein. Quand on va chez le dentiste, je sais pas vous, mais moi j'ai encore plus peur du dentiste que de l'avion, hein. Ah non, ça va. Ma dentiste, elle est gentille. Il faut le faire, hein. Ils sont tous gentils. Sinon, Oui, c'est ça, mais bon, quand on est dans la salle d'attente d'un dentiste, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a l'impression d'être à côté d'une menuiserie parfois, hein. Oui, parfois, ça peut faire beaucoup de bruit comme maintenant. Bon, BJ, quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous ? Autrement dit, votre tube de l'été préféré ? Mon tube de l'été préféré, peut-être le Mungo Jerry. J'aime bien cette chanson, In the Summertime. Je trouve ça très désinvolte, très fun. Et peut-être Cheeseburger in Paradise de... Jimmy Buffett, you know, des chansons vraiment un peu légères, un peu fun, comme ça j'aime bien. C'est ça. Vous partez en vacances cet été ? Oui, je viens d'entrer de chez moi, de Alabama, Floride, là. Alors, le temps là-bas ? Enfin, c'était très bien, parfois, on a des orages, c'est ce temps de l'année, mais tout est beau, même l'orage est beau là-bas. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances ? Ben, j'en ai beaucoup. De cette année, un de mes meilleurs souvenirs, c'est que j'ai su faire un concert avec ma fille. Là, avec notre famille, entourée de notre famille, nos amis, dans cette ambiance tropicale. Et c'était juste très émouvant et très magnifique. Donc, je mettrai ça un petit peu à la hausse de mes vacances de cette année. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel ? Ça peut être les deux, mais à partir du moment que j'ai un canne à pêche, tout va bien. Piscine, mer ou montagne ? Mer. BJ Scott, la météo idéale pour vos vacances, c'est ? Et pas trop chaud, ciel bleu, mer bleue et plein de poissons prêts à manger, mais à part. Avez-vous un cocktail ou un apéro favori ? Yes, ça s'appelle le Moscow Mule. C'est un boisson cool. à base de vodka, évidemment, oui. Avec du ginger beer. C'est une boisson sans alcool, oui. Qui est à base de gingembre. Donc, cette boisson effervescent gingembre avec le vodka est très estivale et très, très bon. Waouh! Ouais, ça a l'air bon, hein? Ça a l'air même très bon. C'est délicieux. Et avec ça, vous mangez quoi? Ben, souvent, je mange ce que je pêche ou ce que mes amis ont dans leur jardin. Je fais beaucoup de... Vous pêchez beaucoup de poissons. Oui, c'est ça. Mon été se passe sur mon sport préféré. C'est vrai? Franchement, je ne vous imaginais pas du tout au bord d'un étang en train de pêcher, BJ. Ben non, tu ne me verrais pas sur un étang, tu me verrais sur la mer. Voilà. c'est pour ça. C'est sur les plages ou dans mon bateau. Vous n'allez pas aller au lac de Butchenbar pêcher le brochet, non, quoi. Non. C'est pas votre truc. Okay. Moi, c'est à la sauvage. La glace. Plutôt fraise, vanille ou chocolat ? Chocolat. Et dans quel endroit vous sentez-vous en vacances, ici en Belgique ? Ici en Belgique, je me sens en vacances... Peut-être dans les Hautes-Fagnes. J'aime vraiment bien. C'est bizarre, mais j'aime bien faire la marche là. Et dans les Hautes-Fagnes, je me sens en vacances, mais autrement. Très bien. Je ne me rappelle plus. Quel parfum préféré pour la glace, fraise, vanille ou chocolat ? Chocolat. Mais c'est une mauvaise réponse, vous êtes chez le dentiste, c'est plutôt la fraise, non ? Non, la fraise, je vais l'entendre dans quelques secondes, je crois. Eh bien, bon courage BJ Scott et merci d'avoir été avec nous en direct sur Vivacité pour le questionnaire des people en vacances. À bientôt. Ok, grand plaisir, bisous. Hein. Bisous. Je sais plus parler, moi. Je vais arrêter l'émission ici, je pense. J'ai beau conduire à l'anglaise sur la nationale. J'ai beau m'enfuir, forcer les barrages en cavale. J'ai beau m'offrir aux falaises à l'horizontale. Au fond, tout ça, t'es bien égal. Quoi qu'on en dise, c'est bien que mes doigts se déplacent. Toi dans la prise, là, tu me surpasses. Et si l'amour ne rendait pas aussi con et triste à la fois, comment se fait-il que je sois C'était Saint-André. Et sur Vivacité, faisons un point immédiatement sur vos conditions de circulation. Jean-Marc Strel, comment ça se passe en ce moment ? Sur le 40, ça se passe pas toujours très bien. Vous le savez, évidemment, Bruxelles-Ostende, avec ce chantier entre Wetteren et Zwenard, c'est parti hein, jusqu'au 7 août. Avec des files toujours vers Ostende, peu avant Herpemer jusqu'à Zwenard. On parle de 14 km, ça change, mais les minutes, elles restent 35 minutes en moyenne perdues. Des répercussions sur la N9 venant de Bruxelles en Wetteren et Mel aussi. Sur 3 km, vous perdez 25 minutes. Par contre, dans l'autre sens, la situation est à présent fluide. C'est une bonne chose. Un accident s'est produit sur le 313 en Verse-Liège au kilomètre 3.6. À hauteur de Wouwelgem, avec une bande de circulation neutralisée en direction de Liège. Attention à ce piéton qui se balade sur le ring de Bruxelles, l'extérieur, aux environs de Grimbergen. Il marche en bande d'arrêt d'urgence, donc voilà, prudence, c'est en direction de Grand-Bégard. Et en ce qui concerne la circulation entre Anderlecht et Forêt dans la zone des travaux, ça coince, et pour l'intérieur, entre Bercé-les-Forêts vers Grand-Bégard et entre Wezembekopem et Terveren en direction de Waterloo. Jean-Marc, oui. pour ceux et celles qui souhaitaient aller manger une moule sur la digue de Blankenberg, aujourd'hui, vous leur conseillez une autre adresse alors ? Bah non, s'ils font le trajet, qu'ils en mangent plusieurs. D'accord, c'est très bien. Allez, à bientôt et à tout à l'heure. Oui. Vous avez pris un arbre à Forêt ? Et Tia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. 10 euros ? Oui, 10 euros et le monde Télésat s'ouvre à toi. 10 euros, c'est tout ? 10 euros et avec l'abonnement télé de Télésat, tu vas voyager, mon pote. Mais genre ? Mais tu vas découvrir plus de 500 destinations. Voyages, musique, documentaires, films, séries. Avec une qualité numérique ? Ouais ! Disponible partout en Belgique ? Mais oui ! Pour 10 euros par mois ? Je sais, c'est dingue ! C'est complètement dingue. Avec Télésat, entrez dans le monde des fans de télé grâce à l'offre la plus compétitive du marché. Profitez maintenant de l'abonnement Télésat à 10 euros par mois pendant les 10 premiers mois. Télésat, le choix malin. Infos et conditions sur télésat.be. Ce dimanche, IKEA Ognoul et Arlon sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9, le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Vous en rêvez ? Les meubles César le font. Les meilleurs soldes de toute la région. Du salon épuré et design aux articles déco, les soldes aux meubles César, incomparables. Meubles César. Intimistère Clermont et sur césarmeubles.be. Dans un instant, les coulisses du Tour de France sur Vivacité avec Pierre Capard, mais tout de suite, je vais le dire à la française, hein, puisque c'est leur fête nationale, Goldaz et Florent Braque avec Lights of My Hometown. Je sais pas si on dit Goldaz ou Goldaze en fait, à mon avis c'est plutôt Goldaze. Eh ben, on les écoute et on revient juste après, ok ? It's been a long, long time, I've walked a million miles, will I talk to you soon? I'll tell you it's alright, like in the good old times when we kissed under the moon. But for now, on and on, I'm keeping on looking for a new land. Since I've been gone, all I chase down all the lights of my hometown. Lights of my hometown. I didn't say goodbye, just left the mess behind. A wish for safer days. I backed up my whole life and now I'm out of sight, somewhere far on away. And for now, on and on, I'm keeping looking for a new land. Since I've been gone, all I've chased down all the lights of my hometown. The lights of my hometown. I can hear. Je suis impatient de connaître le sujet de l'été du bon côté entre 13h et 15h avec Émilie de Kegel. On en parle juste après les coulisses du Tour. Tour de France 2016. Chris Froome qui mène à ce peloton. Ce jeudi 14 juillet, 12e étape. 184 km en montagne entre Montpellier et le Mont Ventoux. Avec quelques kilomètres en moins en raison des fortes rafales de vent. Hein. Vous l'avez entendu dans l'information ce matin. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Samuel Grulois. Cette année, comme à l'Euro de football, les mesures de sécurité ont été renforcées sur le Tour avec notamment la présence du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Il faut dire que l'état d'urgence a été prolongé en France avec des mesures de sécurité exceptionnelles sur la Grande Boucle, comme nous l'explique Pierre Capard dans sa rubrique des coulisses du Tour de France. État d'urgence oblige. Cette année, un important dispositif sécuritaire encadre le Tour de France, et cela jusqu'au 24 juillet. Le lieutenant-colonel Éric Luzet, officier de liaison de la gendarmerie sur le Tour. Nous avons pas moins déployé sur le terrain 23 000 gendarmes et policiers. Donc parmi ces gendarmes, vous avez notamment, dans le cadre du renforcement de la sécurité, ceux du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Vous avez également des équipes qui sont déployées sur les sites de départ et sites d'arrivée de manière un peu plus conséquente que les années précédentes. Et puis, vous avez aussi des gendarmes qui sont positionnés de manière traditionnelle tout au long du parcours pour assurer la sécurité du public et des coureurs et de la caravane publicitaire tout au long du passage du Tour de France. Du côté d'ASO, la société organisatrice du Tour de France, les mesures de sécurité ont également été renforcées cette année, avec pour la première fois des fouilles systématiques des sacs, voire des palpations pour accéder au village de départ et d'arrivée. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Le contexte est particulier, évidemment, en 2016, pour tout événement, qu'il soit sportif ou pas. Nous suivrons, comme vous vous en doutez, les directives du ministre de l'Intérieur, avec une inspection visuelle des sacs que vous aussi voyez au quotidien sur les espaces de relations publiques. Bonjour, pas de sac. Merci. Voilà, je vous remercie. Bonjour monsieur, vous êtes contrôlé, s'il y a des contrôles qui sont très stricts? Bah oui, on ouvre les sacs à chaque fois qu'on rentre ou qu'on ressort, même pour aller chercher quelque chose dans la voiture sur le parking voisin. On est obligé à chaque fois de rouvrir le sac, de remontrer pas de blanche, quoi, même au niveau du matériel aussi. Vous comprenez ça? Bah oui, avec tous les événements qu'il y a eu, évidemment, on comprend, ouais, tout à fait. Ouais. Les spectateurs et les professionnels se montrent donc compréhensifs. Les mesures de sécurité sont omniprésentes, mais néanmoins discrètes sur le Tour, avec pour la toute première fois la présence du GIGN, comme le confirme le lieutenant-colonel Éric Luzet. Oui, c'est une première sur le Tour de France. Le GIGN est quand même bien rodé sur le risque terroriste, notamment à l'occasion de grands événements. On a adapté les moyens de façon à ce qu'ils puissent être en mesure d'intervenir, quel que soit le site du Tour de France, site de départ, site d'arrivée ou parcours. Alors on est un peu plus vigilant sur les points de concentration du public notamment. Donc tout est mis en œuvre de manière coordonnée entre les services de l'État et l'organisateur pour faire en sorte que le Tour de France soit une belle fête. Pierre Capard, depuis les coulisses du Tour de France, où nous retournerons tout à l'heure en compagnie de Samuel Grulois en direct depuis l'étape à 12h30. De 13h à 15h sur Vivacité, l'été du bon côté. Émilie de Kegel. Bonjour. C'est dingue, hein. Il n'y a pas un jour où je ne me prends pas la voix de la dame la figure. Le dernier, le 19 août, vous n'allez pas vous planter. Bah, j'espère bien. Ça va, Émilie? Ça va bien. On a décidé avec l'équipe de l'été du bon côté d'aller à l'encontre de la météo de ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il ne fait pas beau. On a quand même envie de rester positif et dans mais la thématique de l'été du bon côté. Ouais, mais pour le moment, il ne fait pas beau. Non. Comme hier. Hier, on a parlé des lunettes de soleil. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, il ne fait pas super beau. D'ailleurs, même dans certaines régions, il pleut. Mais on va quand même parler des barbecues, dis donc. C'est pas vrai. Si, on va parler des barbecues. Ouais. Merguez parti. Ah, ça se... les musclés. Oh, quel bonheur. Il y avait framboisier, corbier... Et les autres. On s'en souvient jamais. Ah, c'est comme les rois mages. Alors, on va parler par contre, ça, on s'en souvient de son prénom et de son nom de famille. C'est Nathalie Bruard, qui est journaliste culinaire chez Femmes d'aujourd'hui, qui est bien connue chez nous. Vous allez pouvoir lui poser vos questions concernant vos recettes. Est-ce qu'il faut prévoir ou privilégier le charbon de bois, la plancha, le gaz en fonction de certaines viandes? Voilà, il y a un supplément dans le Femmes d'aujourd'hui de cette semaine. Alors, est-ce qu'on va faire plutôt du poisson, de la merguez, de l'agneau? Bref, tous les conseils. Et si vous aussi, vous avez des recettes que vous avez envie de partager avec nous, des envies, des idées, ben n'hésitez pas. On sera là entre 13h et 15h via la page Facebook, via téléphone et bien sûr via SMS pour ceux qui souhaitent déjà poser leurs questions maintenant. Au 3063 pour 50 centimes d'euros, l'envoi de message. Donc, comment bien réussir son barbecue? On aura la réponse chez vous alors? Ben en tout cas, oui, on aura plusieurs réponses parce que ça dépend de plein de choses, justement. Ouais. On va voir. C'est génial. Bon, ben c'est top ça. Barbecue. Ça donne faim. Hein. Et en plus, dans un instant, c'est de quoi on va parler? J'ai peur. Des cocktails? Ah, ben bien sûr, à l'apéro, c'est nickel. Voilà. Et c'est l'heure là, il est temps d'ailleurs. L'été du bon côté. Yes! Come on! Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton confort, ton love, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

c'est top. Nous sommes sur une plage de sable fin avec un océan complètement bleu turquoise, hein, vraiment bleu. On voit là un petit catamaran qui se balade au bout de l'océan. Et puis derrière nous, il y a le bar de la plage. On est même trop paresseux que pour l'atteindre, ce bar de la plage. On n'a pas envie de se lever du transat. Mais non, on va appeler quelqu'un pour se faire servir, bien sûr. On a envie de se rafraîchir, c'est l'été. Prendre un bon cocktail, le siroter. Et on le fait en compagnie d'Aurore. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour préparer un cocktail ? Alors la première question à se poser, c'est avec ou sans alcool ? Nous, on va tout de suite trancher, ce sera avec. Pour commencer, il vous faut une base, un alcool autour duquel on vient de rajouter les autres ingrédients pour le mettre en valeur. Vous pouvez par exemple opter pour un alcool transparent comme du gin ou de la vodka ou aller vers quelque chose qui apportera plus de saveur comme du rhum, du whisky ou une eau de vie parfumée. Deuxième étape, choisissez un alcool qui pourra faire ressortir le goût du premier, le but n'étant pas de le camoufler. Attention, c'est ici que votre palais intervient. Certains mélanges sont plutôt, comment dire, à proscrire. Un alcool anisé et du vin, ça donne assez moyen comme résultat. Ajoutez ensuite un élément qui va allonger votre cocktail, un jus de fruits, de l'eau pétillante, un soda, bref, un élément qui rendra votre boisson plus légère dans tous les sens du terme. Accessoire indispensable de tout bon barman qui se respecte, le shaker. C'est avec lui que vous pourrez mélanger vos ingrédients, surtout si parmi eux, vous avez un sirop, du jaune d'œuf, des jus de fruits frais ou du lait de coco par exemple. Votre préparation n'en sera que plus homogène, le shaker aidera chaque ingrédient à se mélanger aux autres sans qu'un ne prenne le dessus. Une fois que tout est placé dans le shaker, et seulement à ce moment-là, vous pouvez y aller avec la glace. Avant, c'est inutile, les glaçons vont fondre, ça rallongera juste la préparation à l'eau et ce n'est pas une bonne idée. À ce propos, les vrais barman vous diront de prendre de l'eau en bouteille pour réaliser vos glaçons, histoire d'éviter le goût chloré de l'eau du robinet. La seconde astuce est de ne jamais passer les boissons pétillantes au shaker. Mélangez tous les autres ingrédients et ensuite, vous allongez avec votre eau pétillante, votre limonade ou votre champagne. Une fois le mélange terminé, on le verse délicatement dans un verre bien froid. On garnit en le glaçant avec du sucre, par exemple. On ajoute des cerises ou des morceaux d'agrumes pour donner un joli aspect visuel. Et une dernière saveur en plus. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Santé ! Santé Aurore, mais c'était les cocktails pour les courageux, ça, ceux qui ont envie de le faire eux-mêmes. Nous, on n'a pas envie de ça, on a envie de se faire servir. Mais maintenant qu'on sait que vous êtes une experte en la matière, on a votre numéro de téléphone et on n'hésitera pas à vous appeler dès que l'envie s'en fait sentir. Et d'ailleurs, là, je pense que Sylvain, qui réalise l'émission, et moi-même avons très envie d'un cocktail. C'est quoi ton cocktail préféré, Sylvain? Caipirinha. Ouais, Caipirinha. Moi, je boirais bien un petit mojito fraise, tiens, ça c'est délicieux. Et vous, quel est votre cocktail préféré? On va appeler Aurore, on va faire une tournée générale, hein, dites-le nous, au 3063, pour 50 centimes d'euros, l'envoi de message. Give me time to realize my crimes. Let me love. Precious kisses, what's that fun? To Earth Me, c'était Culture Club sur Vivacité. Ben dis donc, on va dévaliser le bar à cocktail, hein, à lire tous vos SMS arrivés au 3063. Je vous ai demandé quel était votre cocktail préféré. Ben, je peux vous dire que vous avez du goût, mais c'est vrai, vous êtes les meilleurs et ça nous fait plaisir. On fera le point d'ailleurs dans un instant sur vos cocktails préférés arrivés au 3063. Mais tout de suite, place aux choses sérieuses, l'information. L'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez la nouvelle émission de l'été, Vivre ici, pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Chez JC, tout ce que vous aimez, JC Meubles. JC Meubles, 4000 m² d'exposition. Un choix énorme en salon, salle à manger, studio jeune, chambre à coucher et literie dans les plus grandes marques. Venez aussi découvrir notre superbe département des meubles Grange. JC Meubles, chaussée de Tongres à Raucourt. Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Vivacité et Ouf TV présentent Waouh ! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe, un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. Santé, ou plutôt bon appétit, il est midi. L'actualité avec Yasmina Favaro. Le sud de la France, destination prisée par de nombreux vacanciers. Cette région est ravagée par des incendies. Dans les Pyrénées-Orientales, un sapeur-pompier a été tué et 3 autres ont été grièvement blessés après un accident sur une petite route départementale. Waoub Fayoumi, avec ses collègues, cet homme s'était mobilisé pour éteindre un important incendie dans la région. 3000 vacanciers ont en effet dû être évacués de plusieurs campings près de la ville de Toreil. Les campings étaient menacés par les flammes et un vent fort rendait difficile la maîtrise de l'incendie. Et j'ai vu des gros épais nuages de fumée noire. Il y a de la fumée partout qui venait, des gros épais nuages de fumée. Moi j'ai vu des braises à 15-20 mètres de moi, j'ai senti la chaleur. Il y avait des morceaux de confettis, de paillettes et des bouts brûlés qui allaient dans ma caravane. L'accident dans lequel le pompier d'une quarantaine d'années est décédé s'est produit alors qu'il se rendait avec 3 collègues sur les lieux. Les 3 pompiers ont été hospitalisés dans un état grave. 17 autres pompiers ont été incommodés par les fumées et 2 autres ont été touchés par l'explosion de bouteilles de gaz de campeurs. Dans le département voisin, un autre incendie a détruit 200 hectares de pinèdes au nord de Narbonne. L'incendie semblait maîtrisé dans la nuit, mais 200 pompiers sont restés sur le terrain par mesure de précaution. Au total, 6 avions bombardiers d'eau et des équipes au sol de la sécurité civile ont été nécessaires pour maîtriser les 2 incendies hier. Le sud de la France est régulièrement le théâtre de ce genre de catastrophes estivales. Elles sont souvent dues à l'imprudence de touristes. C'est moi qui ai levé le signal vert, l'aveu d'un des chefs de gare italiens sur cette collision dans les Pouilles mardi. Il reconnaît son erreur, il a laissé partir le train de la collision. Selon lui, il y avait du retard et de la confusion. Mais dans le collimateur de la justice, il y a aussi le chef de la gare voisine. Lui aussi aurait dû se rendre compte que quelque chose clochait. Et aussi le retard des travaux pour passer de une seule voie à deux sur ce tronçon de l'accident. L'accident qui a provoqué 23 morts et une cinquantaine de blessés. Vous l'avez peut-être remarqué, il y avait pas mal de remue-ménage ce matin dans le quartier européen à Bruxelles. Une cinquantaine d'activistes ont bloqué l'entrée d'un centre de conférence aux négociateurs du TTIP. Cet accord de libre-échange commercial entre l'Europe et les États-Unis. Des activistes se sont attachés aux entrées. La police a dû intervenir pour les déloger. Une quarantaine de manifestants ont été arrêtés administrativement. Arne est l'un des organisateurs de cette action du anti-TTIP. Pour lui, cet accord de libre-échange est inacceptable. C'est tout à fait imbuvable. De un, c'est vraiment c'est une atteinte à une démocratie terrible. Notre Parlement décide logiquement de normes qui nous protègent, que ce soit des normes sociales, environnementales, économiques, qui nous protègent. Et ici, on veut avoir un accord qui va complètement détruire ces normes, qui va les abaisser très très fortement vers le bas. Il y a bien sûr aussi le pouvoir pour les multinationales d'attaquer des États en justice devant des tribunaux privés, donc pas du tout devant une justice normale, démocratique, devant une justice privée. C'est deux raisons pour lesquelles ce traité est clairement imbuvable. Alors le caractère non violent de vos actions, c'est quelque chose aussi qui est important, de pouvoir s'opposer mais pacifiquement. Mais absolument. Ce traité lui-même est extrêmement violent vis-à-vis des citoyens, mais nous c'est hors de question d'utiliser la violence, bien sûr. On est là, on est déterminé, on veut bloquer ces négociations, mais c'est hors de question d'utiliser la violence. C'est une question de légitimité, c'est une question de démocratie. Nous on reste non violent et malheureusement on voit que l'autre camp utilise par contre de la violence. Arne, l'un des organisateurs de cette action contre le TTIP, au micro de Fabrice Gérard. Freddy Tillman, victime d'un grave accident domestique. L'ancien bourgmestre de Bruxelles est tombé dans les escaliers dimanche, une information du journal L'Écho. Le socialiste a subi une hémorragie cérébrale, il a perdu beaucoup de sang. Il a dû être maintenu 3 jours dans un coma artificiel, il en est sorti hier. Il est toujours hospitalisé et selon les médecins, il a retrouvé toutes ses capacités physiques et mentales. Les cyclistes du Tour de France partent de Montpellier pour s'attaquer au mythique Mont Ventoux aujourd'hui pour la 12e étape. Ils ne monteront pas jusqu'au sommet, l'étape est rabotée de 6 km à cause de vents violents. Et en football, le dernier classement FIFA est arrivé. Et malgré l'élimination en quart de finale de l'Euro 2016 face au Pays de Galles, la Belgique conserve sa 2e place au classement FIFA. Derrière le leader, inchangé lui aussi, l'Argentine. Le Portugal, vainqueur de l'Euro, lui grimpe à la 6e place, juste devant la France qui, elle, est donc 7e. On part tout de suite sur les routes pour faire le point sur vos conditions de circulation avec Jean-Marc Strel. Il y a un accident sur l'E42. Effectivement, Namur-Liège, à hauteur de Wicoutin, la bande d'arrêt d'urgence est neutralisée en direction de Liège. Mais malgré la bande d'arrêt d'urgence, il risque d'y avoir des problèmes dans les minutes à venir, le temps de dégager les véhicules. Donc soyez vigilants. En ce qui concerne l'E40, Bruxelles-Ostende, le chantier Wetteren-Zwenard dans les deux sens, avec des files vers Ostende, toujours Herpemer, jusqu'à Zwenard, 14 km, 30 minutes perdues. Ça n'a pas changé. Les répercussions sur la N9 venant de Bruxelles, toujours entre Wetteren et Mel, vous perdez 20 minutes. Alors un accident s'est produit dans les files à hauteur d'Herpemer et le passage est difficile en direction d'Ostende. Donc ça concerne évidemment les 14 km et les 30 minutes perdues, ça ne va pas arranger les choses. Et vers Bruxelles, dans l'autre sens, ça coince entre Zwenaert et Wetteren. En ce qui concerne le ring, la circulation extérieure entre Anderlecht et Forêt, ça coince vers Halle dans la zone des travaux. Même situation pour l'intérieur entre Bercelles et Forêt vers Grand Bigard. Et puis concernant cette journée un peu particulière en France, les poids lourds sont interdits. Il y a quand même quelques conséquences chez nous puisqu'il y a des files à hauteur de la frontière de Sterpenich entre Arlon et Garnèche sur 9 km avec 25 minutes perdues en direction du Luxembourg suite à la présence donc de nombreux poids lourds qui ne peuvent pas franchir la frontière française. Distrait dans les bouchons à Liège, Etia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances jusqu'à 13h sur Vivacité, toujours avec Stéphane Piedbeuf. Quel est votre cocktail préféré, Yasmina Favaro? Ah, pour le moment, c'est sans alcool, mais sinon, j'aime bien les mojitos, hein, je suis pas très original. Le samedi soir, petit mojito, fraise peut-être ou... Ah non, ça, je suis allergique à la fraise. Ah, vous êtes allergique à la fraise. Mais attendez, il faut le noter absolument, parce que je n'aimerais pas vous empoisonner. Oui. Très bien, on a bien noté ça, et puis on vous le servira après le service, d'accord? À tout à l'heure, Yasmina Favaro, et dans un instant, on fera le point sur vos préférences de cocktail, puisque vous aimez en parler, en tout cas en lire vos SMS au 3063 pour 50 cents, l'envoi de messages. C'est l'été, il y a bien sûr des tubes de l'été et ce sera Philippe Laville. Dans quelques instants, il tape sur des bambous et tout de suite après, ce sera Madcon, Don't Worry. Les soldes XXL sur Krefel.be. Commandez en ligne avant 22h30, c'est livré chez vous dès demain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Tomorrow. Thinking about what you got, everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your paws, so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ Young and Free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is the club holding, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. C'est l'été sur Vivacité, un air de vacances est là jusqu'à 13h et puis il y aura l'été du bon côté, ensuite vivre ici de 15h à 17h avec Marc Vernon et on se sent bien, c'est tellement bien, très agréable d'être là avec vous à parler de cocktails, en écoutant des tubes de l'été, on appelle les people, on parle des vacances et au téléphone il y a Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Est-ce que ça vous plaît l'émission? Oui bien sûr, oui. Bon, vous vous sentez en vacances en nous écoutant? Oui, bien sûr, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je monte à écouter la radio. Dans quelle région habitez-vous ? Namur. Et il fait moche à Namur ? Mais il fait gris, là. Il y a des nuages gris, il y a un petit rayon de soleil, mais très peu. Oui, de temps en temps, il se montre, de temps en temps, il se cache. Mais bon, ça va revenir l'été, rassurez-vous. Michael, vous êtes un expert en cocktail, en tout cas, vous faites partie des nombreux auditeurs qui ont réagi par SMS à nous envoyer des noms de cocktails. Je pense qu'on a fait toute la carte, hein, là. Il y a notamment le Gin Fizz, c'est celui que vous nous recommandez ? Oui, le Gin Fizz, donc c'est du gin, du jus de citron, un blanc d'œuf. Et alors on mélange le tout et on termine par de l'eau gazeuse. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Là, j'ai goûté une fois le pisco sour, un truc mexicain. Ah oui, ça vous connaissez ça ? Oui, c'est ça, qu'un alcool qui vient du Chili. En fait. Je ne sais plus le nom d'ailleurs. Ouais. Enfin, c'est aussi du jus de citron. Vous êtes barman, Michael ? Je suis cuisinier. Ah, cuisinier. Voilà. Vous êtes en service réduit ce midi alors, je présume. Je suis seul en cuisine en fait, je travaille en cuisine de collectivité. Ah voilà, et donc les plats sont déjà faits. C'est prêt, c'est dans la chambre chaude, on attend le service. Ok, super. Et vous avez d'autres cocktails à nous proposer peut-être ce midi ? Oui, j'ai renvoyé un autre cocktail avec cocktail à base de bière. Mmh. En fait, faut, dans un grand verre ballon, sur pied un peu, un grand verre à vin, il faut mettre 5 centilitres de jus de citron, 5 centilitres de Campari, et alors on termine avec une pils bien fraîche. Ah, ça, oui. Les petits cocktails rafraîchis, l'amertume du Campari et de la bière vont bien ensemble. Waouh! J'ai jamais eu autant envie d'une bière de ma vie. Tu sais que je t'aime, tu vois? C'est à moi que tu parles ou à la bière? Ah, tu vois, mon amour de petite mousse blonde pleine de bulles. Mais c'était la bière, évidemment. Bon, merci beaucoup, Michael. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, bon boulot, hein. Bon courage et merci de nous avoir parlé de ces cocktails. On a tous soif ici. Allez, on se retrouve dans un instant et lui aussi va nous donner envie de danser et de boire des cocktails. Ce sera Philippe Laville. Ce dimanche, IKEA Ognoul et Arlon sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous samedi à Vielsalm pour une balade sympa autour du lac des Doyards et un bain de chlorophylle géant dans nos forêts d'Ardennes. À l'arrivée, showcase exceptionnel au domaine de Farnières avec Laura de The Voice, Mister Cover et Dave. Info inscription, rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité et Ouf TV présente Waouh ! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. La chance de devenir riche grâce à la générosité de Tati Georgette. Tiens mon gamin, 50 francs. Est assez faible. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel Makers, personnel et private banking. Fred, qu'est-ce qui est rouge, ultra rapide et super économique ? Ma prochaine voiture. Mais non, c'est Red Market, le supermarché avec un personnel hyper sympa, des produits frais, des caisses ultra rapides et des prix constamment revus en fonction de la concurrence. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. La 2, en télé. Je m'appelle Roumanov, ça veut dire j'ai des origines mélangées. J'ai des petits yeux slaves bridés, un bassin méditerranéen. Anne Roumanov à l'Olympia, dans Aimons-nous les uns les autres, jeudi soir, sur La 2. Prêt pour l'aventure ? Bienvenue à Tiger World, la nouvelle création du zoo d'Amnéville. Pénétrez dans une mystérieuse caverne au cœur de la jungle. Entrez dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés. Où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Tiger World, un spectacle époustouflant. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Un air de vacances sur Vivacité. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Et dans un instant, nous passerons un coup de fil à Philippe Geluck dans les People en vacances. Mais tout de suite, c'est l'heure d'écouter Philippe Lavie. Il tape sur des bambous, notre tube de l'été. Il est né dans les Antilles, en Martinique. Et il s'appelle en réalité Philippe Durand de Villejus du Fresnay. Hein, c'est Villejugus du Fresnay. C'est vrai que c'était un peu long hein, pour le mettre tout en entier sur la pochette. Il a bien fait de changer parce que je pense que tous les animateurs radio du monde se seraient trompés. Il est le fils d'exploitant de bananeraie. À 13 ans, il est envoyé en pension en France métropolitaine où son prof d'anglais l'initie à la musique. Et au désespoir de ses parents, il décide de devenir chanteur et publie ses premiers 45 tours au début des années 70. Mais ce sera dans les années 80 qu'il connaîtra le succès grâce à l'album Nonchalance sur lequel on retrouve le truculent Elle préfère l'amour en mer ou encore Il tape sur des bambous qui sera le hit de l'été 1986. Sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme. Sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Il y a des filles de partout qui lui volent du bien. Il y a des filles de partout qui lui volent du bien. Lui, la gloire, il s'en fout et ça va, ça vient. Capitaine, il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est une musique machine. Just imagine. something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Can't Stop the Feeling, c'était Justin Timberlake. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Philippe Geluck, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans un air de vacances en direct par téléphone. Vous avez accepté de répondre au questionnaire des people en vacances. On va commencer par de la musique. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous ? Et là où je me trouve, c'est-à-dire en Italie, c'est Lily Cube avec Voyage en Italie. Ah oui. Vous savez, faire une vidéo, faire une virée de tous les deux sur les chemins. Sur les chemins. Voilà. Ça ? Ah ben c'est incroyable comment vous aviez le 45 tours sous le coude. Oui, effectivement, on l'a mis sur la platine. Oui, c'est vrai que maintenant on est un peu aidé hein, quand même. Hein. On est un peu aidé. Oui, bah, vous auriez connu mon époque, ça aurait été pas aussi simple. Hein. Et donc si je comprends bien, vous êtes en vacances actuellement en Italie. Mais exactement, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre aimable invitation et de m'extraire 3 minutes de cet endroit idyllique. Enfin, j'y suis toujours en vous parlant. Et dans quelle région d'Italie vous trouvez-vous ? Alors, là d'où je me trouve, je vois la Toscane. Wow. Et je me trouve en Ombrie, qui est la province limitrophe. Et voilà, je suis à 600 mètres d'altitude, il fait divin, je suis au bord de la piscine. Quand vous avez appelé, j'étais dans l'eau. Et donc, wow. C'est ma femme qui a décroché et qui m'a passé le téléphone. Voilà. Oh, mais, ah oui, ce sont vraiment des vacances, là. Génial. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir de vacances ? Oui, enfin, j'en ai tellement, tellement. Et c'est toujours lié à des lieux comme celui-ci. C'est toujours lié à des maisons. Avant d'avoir la nôtre, on louait des maisons dans lesquelles on invitait nos amis. Et les meilleurs souvenirs, c'est des tablé convivial le soir où je fais à manger pour tout le monde et où on pleure de rire de 19h à minuit sans discontinuer avec Jacques Mercier, avec Jean Doutremont, avec Alain Goffin, avec des gens comme ça. Monsieur Dictionnaire, c'est vrai qu'on vous retrouve régulièrement sur la ligne toujours. Oui, Monsieur Dictionnaire en vacances, c'est un bonheur. Si vous pouvez, je ne sais pas s'il loue ses services, mais si je vous le recommande. Mais il sera notre invité aussi, figurez-vous. Donc si vous avez un message à faire passer à Jacques Mercier par l'intermédiaire de notre questionnaire, allez-y, je vous en prie, on lui passera la réplique. Oh là, non, mais ce qu'il vous raconte, vous savez, mes enfants qui le connaissent depuis qu'ils sont tout petits ont été élevés à ces histoires, à ces anecdotes de sa vie et ont appris à travers lui l'autodérision et l'humour sans limite. Et donc, qu'il vous raconte l'un des épisodes de sa vie d'avant et vous passera un bon moment. Eh ben super, c'est retenu, c'est enregistré en tout cas. La météo idéale pour vos vacances, c'est là le climat qu'il fait en Ombrie actuellement ? Alors pour l'instant, il y a un léger vent, il y a un ciel tout bleu et j'adore le soleil quand je peux me mettre à l'ombre. Très bien. Ouais. Avez-vous un cocktail ou un apéro favori ? Oui, alors depuis quelques années, comme tout le monde, je me suis mis au spritz. Ah oui. Et ben voilà, une dose d'apérol, du prosecco, un peu d'eau gazeuse, une tranche d'orange et des glaçons. Et votre plat préféré de l'été, c'est... C'est ce qu'il y a de plus simple ici. Vous savez, on trouve des produits absolument fabuleux. J'ai préparé pour mes amis l'autre soir un osso buco, tout simple, avec des tomates goûteuses, avec des oignons et puis du voilà, l'osso buco de veau. C'est simple, ça doit cuire longtemps et c'est juste parfait. La glace plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum? Ah non, c'est, alors la glace, ça, je suis assez intransigeant, c'est plutôt Nocciola. Okay. Donc noisette, voilà. Il y a une petite glacière dans le bas de dans le village en bas qui fait la meilleure glace du monde. Ah oui, carrément. Je ne veux que celle-là. Donc ça s'appelle exactement la Nocciola. Nocciola. Nocciola. Ah, oui. Ok, oui. Nocciola. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique? Ah, bonne question. En fait, ça fait très longtemps que je passe plus mes vacances en Belgique, mais j'avoue que la côte belge me séduit toujours. Il y a un côté de souvenir, les jeux de plage de quand j'étais petit, les brise-lames, la pêche aux coquillages, les petits magasins de fleurs qu'on faisait sur la plage. Il y a chaque fois une petite Madeleine de Proust quand j'y remets les pieds. Et c'est dans quelle station, votre station balnéaire? Et c'était entre au stand de Mariakerk. Ok, très bien, c'est noté. Mais merci beaucoup Philippe Deluc d'avoir répondu au questionnaire des People en vacances. Ah, vous n'avez pas trop froid là avec l'eau sur vous puisque vous sortez à peine de la piscine avec votre petit mais vent. Non, c'est ça, c'est ce choc du très chaud et puis du frais. Mais jusqu'à hier, la piscine était à 29 degrés, donc elle est même un peu trop chaude. D'accord. Je dois y mettre des glaçons. On vous plaint absolument pas, Philippe. En tout cas, profitez bien de vos vacances. Et puis, à bientôt avec peut-être un album du chat ou autre. Oui, alors à la rentrée, il y aura l'Art et le chat, qui était l'album de l'exposition qui se tient à Paris pour l'instant et qui est prolongé jusqu'à début janvier. Mmh. Et c'est un album avec des tableaux et des peintures et que tout le monde trouve très drôle. Donc, il sortira pour les fêtes comme d'habitude. Eh ben, c'est génial. On a hâte de vous entendre à ce sujet. Profitez bien de vos vacances et à très vite, Philippe Geluc. Au revoir. Merci. Bon courage à vous parce que ça doit être terrible d'être enfermé dans un studio quand d'autres vous parlent de leur terrasse ensoleillée. Et entre nous, la fenêtre, elle est ouverte. Allez, vous avez bien fait. Je vous embrasse tous. Au revoir. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Les meubles Mativa à Bénin, près de lui, deux magasins classiques et design. Un choix exceptionnel de mobilier et des conditions soldes sur les plus grandes marques. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Méga solde chez Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Il y a toujours un Plumard près de chez vous, à Rocourte et Verviers, ou sur plume-art.be. Plumard. Offrez-vous la vie de château. Visitez le château de Modave. 25 salles à découvrir avec audioguide. Assistez à la pièce de théâtre Petits crimes conjugaux d'Éric Emmanuel Schmitt avec Manuela Hamoun et Oscar Dubru. Et admirez l'exposition de sculptures contemporaines dans les jardins. Le château de Modave, patrimoine majeur de Wallonie, à 10 minutes de Huy. Modave-castle.be. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais il n'y a même pas l'airco, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud-Presse et Le Soir. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des aires, ça se respecte. Une initiative de la Sofico avec Vivacité. Cuisine Ixina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Ixina? Un festival de rock? Non. Il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival Cuisine. C'est encore mieux que les soldes. Conditions sur Ixina.be. C'est bien pensé. Les inratables de Linebacker. On peut rater une journée d'été à la mer, mais pas les soldes chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison. Pendant les soldes, jusqu'à 40% de réduction sur plein de canapés. C'est chez Linebacker. Tour de France 2016. Ce jeudi 14 juillet, 12e étape. 184 km en montagne entre Montpellier et le Mont Ventoux. Ou pas, ou presque en tout cas. Samuel Grulois, vous êtes là? Ah, je suis là, Samuel. Ouh là là, Samuel. Je m'accroche au micro. Accrochez-vous bien. Situation exceptionnelle au Tour de France. Le lieu d'arrivée était modifié. Ouais, je ne vais pas jouer à l'ancien combattant Stéphane, mais je vous avoue, voilà, je couvre cette année mon 11e. Ah, ça se calme. Ouais. Je couvre cette année mon 11e Tour de France et c'est la toute première fois que j'assiste à un changement de lieu d'arrivée. Mais là, les organisateurs n'avaient pas vraiment le choix. Cette nuit, au sommet du Mont Ventoux, la vitesse moyenne du vent était de 130 km/h. Il faisait à peine 1 degré. Et ce matin, quelques techniciens envoyés sur place n'ont même pas pu ouvrir leur porte de voiture tant ça soufflait fort. Alors vous pouvez vous imaginer évidemment ce que ça représente là-haut. Je vous conseille de vous connecter sur notre site internet rtbf.be/sport et vous pourrez y voir une vidéo tournée hier au sommet avec des cyclistes à pied s'accrochant à leur vélo pour ne pas tomber. Ils sont accroupis pour se protéger du vent et on se demande même comment ils ont fait pour pédaler jusque-là et surtout comment ils ont fait pour redescendre. Ils ont en tout cas pris des risques un petit peu insensés. Des risques que ASO, la société organisatrice du Tour, n'a donc pas voulu prendre. Hier à 18h20, on apprenait officiellement que l'arrivée était avancée au chalet Reynard, à 6 km du sommet. Le problème, c'est que là-bas, eh bien, on manque de place. Et donc, la zone technique des médias était déplacée à Vaison-la-Romaine. C'est tout en bas du Mont Ventoux, pour celles et ceux qui connaissent la région. Et c'est là qu'a donc été installée la tribune commentateur dans laquelle je me trouve en ce moment. Et je peux vous assurer qu'ici, eh bien, les rafales de vent sont déjà violentes. Alors imaginez à 1912 mètres d'altitude ce que ça peut donner. Hop là, c'est reparti. C'est une très bonne Vaison. Avec les dents qui claquent, c'est une très bonne Vaison. Oui. Je vous avoue en tout cas que ça a un côté surréaliste de commenter une étape du Tour depuis le parking d'une grande surface à 30 km de l'arrivée. Mais c'est la sagesse qui a primé et c'est très bien comme ça, très sérieusement, pour les coureurs, en tout cas pour les journalistes, pour les spectateurs aussi, même si certains sont sans doute un peu frustrés. Moi j'ai deux amis dans le coin, là, Mickaël et Stéphane, qui avaient goupillé leurs vacances dans le Vaucluse pour justement assister à l'arrivée du Tour au sommet du Mont Ventoux. Eh bien, ils se contenteront d'aller voir passer les coureurs du côté de Bédouin, sans doute. Le départ fictif, parce qu'il y a une course quand même, a été donné à 11h45 à Montpellier, le départ réel à 12h15 et on nous annonce déjà un groupe d'une quinzaine de coureurs avec 1 minute 35 d'avance sur le peloton. Attention, cette étape ne sera pas plus facile pour autant. Il faut quand même monter 9 km du Mont Ventoux et les 9 premiers kilomètres du Mont Ventoux sont sans doute les plus pentus. Donc les coureurs n'ont pas non plus une étape rabotée à 100%. Il faudra monter là en haut avec le vent qui sera de toute façon présent, avec la température qui ne dépassera pas les 5-6 degrés, voire même un petit peu en dessous. Ce sera donc une étape compliquée pour les coureurs, ça c'est certain. Et on suivra ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt sur Vivacité en votre compagnie. On vous retrouve un petit peu plus tard dans le journal de 13h. Merci Samuel Grulois. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Bon, il est un peu en retard, c'est vrai, mais Denis Collard arrive pour la météo des plages et de vos vacances juste après Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. C'était Louis Armstrong sur Vivacité dans Un air de vacances. Oui, du vent, des bourrasques de vent, hein, vous l'avez entendu sur l'étape du Tour aujourd'hui qui était raccourcie comme nous l'expliquait Samuel. Et on va parler de météo, pas spécialement de vent, on va le voir en tous les cas, on va le découvrir avec Denis Collard. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous demander la météo de vos vacances. Denis Collard, un SMS qui n'est pas signé est arrivé au 3063, il nous demande le temps à Argelès-sur-Mer dans le département des Pyrénées-Orientales. Eh bien, cher auditeur anonyme, et il faudra préférer arriver par exemple le samedi sur Argelès, car aujourd'hui et demain, ce sera très nuageux avec aujourd'hui une petite faiblesse du mercure, 24 degrés. Demain, on remonte déjà à 27, mais le ciel reste très nuageux. Par contre, à partir de samedi, du soleil, 28 degrés, tout comme dimanche. Et puis à partir de lundi, on grimpe encore d'un cran, le soleil reste de mise, 30 degrés, et mardi, on ira même jusqu'à 32 degrés. La température de l'eau de mer, elle, est à 23 degrés. Denis, préparez-vous pour la soirée mousse. Marie-Paul nous demande le temps pour ce week-end au camping Aloha à Sérignan-Plage. Et alors, Marie-Paul, on n'attend pas Denis et Stéphane pour faire la fête au camping? En tout cas, il n'y aura pas de souci pour Sérignan et sa région, puisque eh bien, déjà ce vendredi, le soleil revient, samedi et dimanche, entre 29 et 30 degrés. 30 degrés, ce seront les valeurs qui vont rester d'actualité jusqu'en milieu de semaine prochaine. Et pourquoi je dis en milieu de semaine prochaine? Tout simplement parce que les prévisions ne vont pas au-delà dans le modèle que je consulte. Donc, pas de soucis à se faire et bon amusement et profitez-en bien. Merci beaucoup, Denis Collard, vous êtes excellent. Exceptionnel. Continuez à nous demander des destinations. Hein. Denis est là pour ça, pour vous rendre service tout au long de cet été. La météo de vos vacances ou des vacances de vos proches, vous pouvez la demander par SMS au 3063. Ça vous coûte 50 centimes d'euros l'envoi de message, mais vous pouvez également participer et nous le demander par notre site internet. C'est vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances et là, vous avez un petit formulaire de contact qui vous permet d'envoyer votre lieu de séjour. Et n'hésitez pas à signer votre message. C'est toujours plus sympa. Merci Denis Collard. Et alors Marie-Paul? Ah, il était fabuleux. Voici Overphonic. Badaboum. Badaboum. Badaboum. Badaboum. Badaboum. Badaboum. Écho est tombé sur un salaud. Patatra et ah, c'est sûrement celui de trop. Badaboum. Écho. Sur un salaud, patatra, et ah, c'est sûrement celui de trop, badaboum. Baby, don't you know, you gotta suck it up and let him go. He calls you baby, but can't you see, you're gonna wind up in a mess like me. No, you don't understand. Baby, don't you know,

Sur Vivacité avec Unconditionally. Dans un instant, nous serons en selle sur le beau vélo de Ravel avec Adrien Jovenot. Durant ce mois de juillet, les meubles Teller à Büchenbach vous invitent à la détente. Vous profiterez des soldes pour réaménager votre intérieur. Grâce à nos salons tout confort, nos salles à manger à vivre, nos literies de grande qualité ou nos luminaires, vous jetterez l'ancre pour enfin profiter. Meubles Teller à Büchenbach, votre bonheur sur mesure. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure, en face du McDonald's. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Besoin d'un bon matelas? Pour les soldes, une seule adresse. Literie Joas à Liège. De moins 15 à moins 50% sur tous nos matelas. Et livraison gratuite. Literie Joas, l'incontournable maison de confiance. Rue Jean d'Outremeuse 35 à Liège. Dis chérie, je me suis occupé des vacances. Enfin une bonne nouvelle. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un last minute. Non. Et on part où? Bon, ça, je sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen. C'est le moment de profiter des conditions last minute chez Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. N'attendez pas pour choisir votre nouvelle Volkswagen chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Offre soumise à condition. Le meilleur rapport prix, design, qualité en cuisine équipée, vous le connaissez, c'est Ego. Et quand Ego lance sa nouvelle gamme de placards et dressing sur mesure, c'est pour vous offrir les mêmes avantages. Envie d'aménager votre intérieur? En juillet, profitez de 25% de remise sur tous les placards ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Chez Poincaré, les soldes, je re-adore. Deuxième des marques, et c'est moins 40% sur tous les articles de la saison à l'achat de 3 pièces, hors exception. Mais attendez, il y a déjà moins 60 et moins 70% sur plein d'autres articles. Oh, j'adore. Plus d'infos sur poincaré.eu. L'abbaye de Stavelot présente Les Templiers, une superbe exposition pour découvrir le fabuleux et tragique destin de ces moines soldats du Moyen-Âge. Mystère, fascination, légende. Les Templiers sont de retour à l'abbaye de Stavelot jusqu'au 21 mai 2017 avec le soutien de Vivacité, de Télévestre et de Turbo Magazine. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et c'est tous les samedis sur Viva et dans une ville wallonne différente chaque week-end. Et ce samedi 16 juillet, c'est à Vielsalm que se déroulera la balade à vélo d'une trentaine de kilomètres à travers la région. Vous y emprunterez une partie de la ligne 47A du Ravel, réalisée grâce à la participation de la commune, participation qui est fondamentale, n'est-ce pas Adrien? Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Alors le beau vélo de Ravel, c'est une opération qu'on mène avec les communes très actives sur le réseau autonome des voies lentes. On va en parler avec le président des chemins du rail, Jacques Bott. Nous serons à Vielsalm ce samedi après-demain. C'est une commune super dynamique. Oui, effectivement, c'est une des communes les plus dynamiques en matière de réalisation de voies vertes. Et nous empruntons d'ailleurs une partie de la ligne 47A qui relie Vielsalm à Recht puis Born. Alors à Borne, on est même sur la Funbahn. Et oui, elle est bien connue, la Funbahn qui part de Aix jusqu'à Trois-Vierges. Mais il ne faut cependant pas oublier les transversales. Hein, on pense à Wem vers Trois-Ponts, c'est déjà réalisé. Et puis une autre qui est en cours de réalisation, celle de Borne vers Vielsalm. Avec son fameux viaduc. Alors quel a été le rôle particulier de la commune ? Eh bien, la commune s'est dit, mais voilà, on a une voie, une ligne ferrée qui a été détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Que va-t-on en faire ? Et puis, l'intérêt ici, c'est que trois communes se sont concertées pour penser à remettre en état cette ligne et en faire ce qu'on appelle au départ un pré-Ravel. Avec entre autres la collaboration du ministre, je dirais même la ministre du tourisme de la communauté germanophone, Madame Wegmans. La 47A repart vers une nouvelle jeunesse, un bain de jouvence. Hein. Oui, exactement. Notre association a été contactée pour faire une étude de faisabilité de ce pré-Ravel. Un projet a été établi. C'est Gilbert Perrin, notre conseiller technique, qui a procédé à cette étude. Et puis, nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Bertimez, échevin de la ville, qui a encouragé ce projet et mis à disposition les moyens adéquats pour en faire une voie verte. On va tout vous expliquer samedi après-demain sur le stand Chemin du Rail qui sera présent sur le beau vélo de Ravel à Vielsalm. On peut en conclusion dire que vraiment, sur le Ravel, le rôle des communes, Jacques Botte, est fondamental. Effectivement, le rôle des communes est très très important et à Chemin du Rail, on y veille. On fait attention que ces communes soient vraiment sollicitées et puis réaliser des ravels. On en reparle, hein, évidemment. Et demain, à cette heure-ci, nous ferons un gros plan sur les concerts. Et du côté de Vielsalm, je peux vous l'annoncer, c'est Mister Cover qui sera là avec Laura Cartesiani de l'émission The Voice et notre ami Dave. Et pour assister à ce concert, à la balade et aux diverses activités organisées ce samedi à Vielsalm, rendez-vous donc ce 16 juillet à partir de 9h30 au domaine de Farnières. Plus d'infos sur le site de Vivacité, vivacité.be. Le beau vélo de Ravel avec notre partenaire Electrabel. Electrabel et Kito sont prêts pour de belles balades au beau vélo de Ravel. Émilie de Kegel est là. Ça va? Ouais, ça va super. Avec Imani dans le Bison Chai. Oh, elle est là tous les jours à la même heure, dis donc. Elle va pas louper le rendez-vous de l'été du bon côté. Hein. Non, ça c'est clair, elle ne loupera jamais. Imani qui est classée dans plein de pays. Numéro 1, bien sûr, c'est l'un des hits de cet été. Votre invité très sympa d'ailleurs, Nathalie Bruard. Vous avez parlé du barbecue en plus. Ouais, un sujet de saison. Fondamental, j'ai envie de dire. Faisons cet été, cuire les saucisses jusqu'à 15h. Impossible de passer à côté. Allez, pour moi, ce sera deux merguez et une chipolata. Et on se retrouve demain. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Bonne journée à tous. Des éclaircies vont revenir cet après-midi par l'ouest du pays et gagner le centre. Par contre, sur le sud, toujours des averses, parfois soutenues, qui peuvent même s'accompagner d'un coup de tonnerre et entrecouper, il est vrai, de moments d'accalmie. Côté température, on n'est pas à la fête. 14 à 16 degrés sur les hauteurs, 18 à 20 sur les autres régions. Le vent reste modéré de nord-ouest. À partir de demain, le risque d'averses va nettement diminuer. Les températures iront de 16 à localement 22 degrés. Samedi et dimanche, on ne peut exclure une petite averse localement, mais la plupart du temps ce sera sec. Les températures continuent à remonter. 19 à 22 ou 23 degrés pour samedi, 19 à 24 pour dimanche. Un temps complètement sec et ensoleillé, c'est à partir de lundi. Hey, c'est moi, Hip. En juillet, rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. Remplissez votre carte épargne et à l'achat d'une place dans le parc d'attractions de votre choix, bam, vous recevez une place gratuite. Oh, vos enfants vont adorer ça. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, les 13h. Le Mont Ventoux n'aura jamais si bien porté son nom. Trop de vent, les coureurs du Tour de France s'arrêteront 6 km plus tôt que prévu. Samuel Grelois nous racontera dans un instant cette étape venteuse qui nous attend aujourd'hui. Il avoue son erreur, l'un des deux chefs de gare s'est trompé mardi en dirigeant l'un de deux trains impliqués dans la terrible collision dans les Pouilles. Il faut du bon sens. Les règles vont changer de l'octroi des logements sociaux en Wallonie. La région Wallonne les veut plus souples et plus humaines. Sortir son portefeuille ou payer à la caisse d'un magasin avec son téléphone. Le paiement par téléphone pourrait se répandre chez nous dans les prochains mois, mais il faut convaincre, vous dira le porte-parole d'une grande surface qui teste déjà ce procédé.